pourquoi tu n'es pas comme les autres, pourquoi tu n'aimes pas comme les autres, comme les autres, tu n'aimes pas, pourquoi tu n'aimes pas comme les autres, oh, pourquoi tu viens pas comme les autres, comme les autres, comme les autres, pourquoi tu n'aimes pas comme les autres, pourquoi tu viens pas comme les autres, pourquoi tu viens pas comme les autres, pourquoi tu n'aimes pas comme les autres, pourquoi tu n'es pas comme les autres, comme les autres, comme les autres, pourquoi tu n'es pas comme les autres, comme les autres, comme les autres. Pourquoi tu viens pas comme les autres, pourquoi tu n'aimes pas comme les autres, pourquoi tu n'aimes pas comme les autres, comme les autres, comme les autres, pourquoi tu n'aimes pas. Pourquoi tu viens pas, et pourquoi tu n'es pas comme les autres, et pourquoi tu n'aimes pas, pourquoi tu n'es pas, pourquoi tu n'es pas comme les autres, comme les autres, comme les autres, pourquoi tu n'es pas comme les autres, comme les autres, comme les autres, pourquoi tu n'es pas comme les autres, pas comme les autres, pourquoi tu n'es pas comme les autres, pourquoi tu n'es pas les autres. Ooh, ooh, ooh, ooh.